Chapitre 21. Année de pensionnat et de collège. Le projet de Mademoiselle Primrose s'exécuta heureusement. Elle alla voir une maison que lui indiqua Azéma et qui se trouvait tout près de l'Assomption. Les dames du pensionnat consentirent à recevoir Mademoiselle Dormer en externe avec la modification du repas du midi. Geneviève devait arriver à 8 heures du matin et ne rentrait chez sa cousine qu'à 6 heures pour dîner. Elle jouissait ainsi des récréations avec ses compagnes. Rameau Pélagie l'amenait et la ramenait. Pélagie était chargée de faire la cuisine. Geneviève se trouvait parfaitement heureuse. Mademoiselle Primrose l'amenait chez son oncle une ou deux fois par mois. Elle y rencontrait quelquefois Jacques, qui la voyait aussi chez elle à Auteuil, mais pas Georges, dont les jours de sortie ne s'accordaient pas avec les siens. Ni l'un ni l'autre ne le regrettèrent. Pendant les 7 années que Geneviève passa au couvent, elle n'alla pas une seule fois passer les vacances à Plaisance. Son oncle menait Georges aux eaux et chez des parents ou des amis. Tous les ans, Geneviève allait avec Mademoiselle Primrose, Rame et Pélagie, soit au bain de mer, soit en Suisse, près de Genève, où Mademoiselle Primrose avait une vieille tante qui l'aimait beaucoup et qui avait pris Geneviève en grande amitié. Georges, pendant ce temps, devenait de plus en plus paresseux, insubordonné et méchant. La première communion, qui avait donné à Geneviève une bonne et solide piété, n'avait produit aucun effet sur le cœur et l'âme de Georges. Quand il quitta son collège d'Arcueil à l'âge de 18 ans, son père l'établit à Paris pour achever ses études. Il profita de sa liberté, non pour travailler, mais pour dépenser de l'argent et faire des sottises. Il allait souvent au spectacle, il donnait à ses amis des déjeuners et des dîners aux restaurants les plus élégants. Il devenait, enfin, un dépensier et un mauvais sujet. Malgré les libéralités de son père, il avait des dettes qu'il n'osait pas avouer. La conduite de Jacques était bien différente. Après avoir brillamment fait ses classes au collège de Vaugirard, il travailla avec la même ardeur à passer son examen de bachelier. Il fut reçu avec distinction. Il fit ensuite son droit, passa de brillants examens, et fut reçu docteur ès lettres. Pendant ces 10 années, il ne négligea jamais sa petite cousine et amie Geneviève et Mademoiselle Primrose. Au collège, il trouvait toujours le temps, à chaque sortie, d'aller passer une heure ou deux avec elle. Et quand il quitta le collège et qu'il eut plus de liberté, il ne passait jamais plus de 2 jours sans aller les voir, et il leur consacrait toujours la journée du dimanche. De cette sorte, l'amitié des deux enfants ne subit aucune interruption et devint une amitié fraternelle des plus tendres. Quant à Georges, il n'avait pas vu Geneviève depuis les 10 années qu'ils s'étaient séparés à Plaisance. Elle avait 18 ans et depuis 2 ans elle avait quitté le couvent. Au bout de ce temps, M. Dormer engagea Mademoiselle Primrose et Geneviève à venir passer 1 mois ou 2 à Plaisance. « Georges y sera aussi, dit-il. Vous referez connaissance. » « Te voilà tout à fait jeune personne, Geneviève. Georges a 23 ans, il n'a plus à craindre les querelles d'autrefois. » « Mademoiselle Primrose. » « Nous acceptons avec plaisir, mon cousin. Geneviève désire beaucoup se retrouver à Plaisance. Elle sera fort contente d'y trouver son cousin. Mais, mon cousin, j'ai une demande à vous faire. » « Monsieur Dormer. » « Elle est accordée d'avance, ma cousine. » « Mademoiselle Primrose. » « Permettez-moi d'amener Rame et Pélagie pour notre service particulier. » Monsieur Dormer, souriant. « Mais cela va sans dire, ma cousine. Le pauvre Rame peut-il vivre sans sa petite maîtresse ?» On convint d'arriver à Plaisance 8 jours après le commencement des vacances, quand Georges serait libéré de ses cours. Geneviève se réjouit beaucoup de l'invitation de son oncle et attendit avec impatience le jour du départ. Rame fut enchanté de se retrouver à Plaisance avec Geneviève, qu'il n'appelait plus « petite maîtresse », mais jeune maîtresse ou jolie maîtresse. Geneviève lui avait défendu de l'appeler jolie maîtresse, mais pour la première fois, il refusa de lui obéir. Rame. « Bonne petite maîtresse, laissez Rame dire « jolie maîtresse », vous si jolie, tout le monde dire « oh, la jolie mamselle !»« Oh, Rame heureux à voir si jolie maîtresse !» Rame fier, Rame content, dire « jolie maîtresse ». Geneviève. « Fais comme tu voudras, mon pauvre Rame. Mais c'est ridicule, je t'assure. » Rame. « Quoi ça fait à Rame? Moi rire de moqueur ridicule? moi dire « jolie maîtresse ». Tout ce que put obtenir Geneviève fut que Ram ne l'appellerait pas jolie maîtresse en lui parlant à elle-même ou en sa présence. Quand Geneviève et Mademoiselle Primrose arrivèrent à la station de Plaisance, elles trouvèrent M. Dormer qui les attendait à la gare avec sa voiture. Elles furent très sensibles à cette attention et le remercièrent affectueusement. « Monsieur Dormer, c'est bien naturel que je vienne vous chercher moi-même pour vous réinstaller chez moi. Georges vous attend à la maison. » Geneviève. « Je serais bien contente de le revoir, mon oncle. Il y a si longtemps que je ne l'ai vu. » Monsieur Dormer. « Lui aussi attend ton arrivée avec impatience. » Peu d'instants après, elles descendirent de voiture. Georges n'y était pas. Monsieur Dormer en fut contrarié. « Où peut-il être ? » dit-il avec un peu d'humeur. Mademoiselle Primrose. « Mon cher ami, est-ce qu'on sait jamais où sont les jeunes gens ? Ils sont toujours où ils ne doivent pas être. Comment vouliez-vous que Georges nous attendît à la porte, planté là comme une borne ? Laissez-le donc faire à sa fantaisie, nous le retrouverons tout à l'heure. » Geneviève. « Et c'est pour le mieux, mon oncle, nous sommes couverts de poussière, et si vous le permettez, nous monterons chez nous pour nous arranger. » Monsieur Dormer l'embrassant. « Va, ma fille, tu as peut-être raison. « Un peu de coquetterie féminine ne sied pas mal à une jeune personne. » Geneviève. « Oh, mon oncle, ce n'est pas par coquetterie ce que j'en dis. Mais je n'aime pas être couverte de fumée de charbon et de poussière. » Monsieur Dormer. « Tu as raison, je te le répète. Je vais à la recherche de Georges. » Pendant que ces dames prenaient le chemin connu de leur appartement et que Pélagie et Ram défaisaient leurs paquets, Monsieur Dormer se mit à la recherche de Georges, qu'il trouva finissant sa toilette dans sa chambre. Monsieur Dormer. « Que fais-tu donc, Georges ? Mademoiselle Primrose et Geneviève sont arrivées. J'avais annoncé que tu les attendais avec impatience, et au lieu de te trouver au perron, je te trouve faisant ta toilette. » Georges. « C'est pour me présenter avec tous mes avantages, mon père. Je ne vois pas pourquoi je me serais assommé à faire le pied de grue devant le perron comme un Suisse qui garde la porte. J'aurai tout le temps de les voir pendant les 2 mois qu'elles doivent passer ici. » Monsieur Dormer. Si tu n'es pas plus galant que cela, mon ami, tu feras manquer mes projets. Georges. Ah, vous avez des projets? Quels sont-ils? Vous ne m'en avez rien dit. Monsieur Dormer. Et je ne t'en aurais pas parlé encore si je ne voyais que tu commences mal et que tu ne comprends pas de quelle importance sont les premières impressions. Georges. Mais c'est au contraire pour que la première impression soit bonne que je me fais beau pour les éblouir. Monsieur Dormer. D'abord, tu n'as pas besoin de te faire beau. Tu sais très bien que tu es beau naturellement. Geneviève, qui ne t'a pas vu depuis 10 ans, te trouvera certainement très beau. Mais il s'agit d'être en même temps aimable, empressé. Georges. Ah, c'est Geneviève qu'il s'agit d'éblouir. Pourquoi cela? Monsieur Dormer. Parce que mon projet est de te faire épouser Geneviève, qui est un superbe parti. Georges. Est-elle jolie, agréable, distinguée? Monsieur Dormer. Elle est très jolie, pleine de charme et de distinction. Georges. Comment est-elle? Grande, petite, maigre, grasse, blonde ou brune? Monsieur Dormer. Elle est grande, mince et lancée. Elle a l'embonpoint nécessaire pour être très bien. Elle a des cheveux blonds cendrés, pas trop blonds, sur la limite du châtain clair. Elle a de grands yeux bleu foncé, charmants, doux, vif et intelligent. Des traits fins, un teint charmant, légèrement coloré, de petits pieds, de petites mains blanches et fines, une tournure distinguée. Enfin, dans toute sa personne, il y a un charme, une grâce, une élégance qui en font une des plus charmantes femmes que j'ai jamais vues. Georges. Quel portrait séduisant! Et quelle fortune a-t-elle? Monsieur Dormer. Ses parents lui ont laissé 60 000 livres de rente. « Depuis, je l'ai augmenté de 400 000 francs en plaçant ses revenus. » Georges. « Elle a vécu à vos crochets tout ce temps-là. » Monsieur Dormer. « Non, je donnais pour son éducation 15 000 francs par an sur ses revenus. » Georges. « Au fait, c'est un joli parti. Il vaut la peine qu'on s'en occupe un peu. » Monsieur Dormer. « Mais tu comprends que pour la faire consentir à t'épouser, il faut lui plaire, et que si tu la négliges, tu ne lui plairas pas. N'oublie pas, mon ami, que tu as bien des choses de ton enfance à lui faire oublier, ou du moins pardonner. » Georges. « Quant à cela, je ne suis pas inquiet. Elle est bonne et douce. Je suis sûr qu'elle a déjà tout oublié et depuis longtemps. Monsieur Dormer. Ne t'y fie pas trop, mon ami. Les impressions d'enfance s'effacent difficilement et celles que tu as laissées ne doivent pas être favorables. Georges. C'est bon, soyez tranquille, mon père. Quand elle me verra, ses impressions changeront, j'en réponds.